soumis. Après le premier opus, ils croyaient que j'étais endormi. Sans compromis, ils vont tous se reconnaître. Après 2 ans d'absence, c'est moi qui vais vous la mettre. Beaucoup moins d'amis veut dire moins de traître. Quand je prends du recul, c'est pour mettre un coup de tête. J'suis de retour, et j'suis toujours pas à genoux. Toujours un insoumis qui pense qu'une guerre se fait debout. Sombre carpe diem, ça veut dire que j'cueille le jour. Aucune confiance en l'avenir, dans votre monde de vautours. Peu apprécié, je sais, parce que je refuse de me taire. Je reste un écorché qui alourdit les atmosphères. Je viens d'un monde de putes et de faux semblants, où l'homme de la colombe en a fait un vol sanglant. Je garde une vision sombre, je suis là pour les miens. Je reste dans la pénombre car c'est là que je me sens bien. C'est le retour de l'insoumis. Le retour de l'insoumis. Je viens réveiller les endormis. Réveiller les endormis. C'est le retour de l'insoumis. Le retour de l'insoumis. Viens réveiller les endormis. Viens réveiller les endormis. Quoi de plus essentiel pour moi que la musique? Année de lutte textuelle tout en gardant mon éthique. Combien se sont perdus dans les méandres du commercial, et d'autres vendant leur cul s'alimentant de haine verbale. Ne t'attends pas dans mes maxis à un putain de rap gangster. Sache que mon objectif n'est pas ma tronche sur un poster. Je ne changerai mon style pour aucune maison de 10. C'est dans l'ombre que je me sens bien avec un putain de 8 pistes. Fidèle ennemi de Babylone, c'est pour ça que j'ai le micro. Enfant d'hier, instruit maintenant, je sais où va mon stylo. Ça dérange, parce que Juan c'est pas qu'un pseudo. Que je sais lâcher du lest quand je suis avec trop de blaireaux. Respect à tous les militants actifs, les hip-hop, les rasta, les mouvements combatifs. Moi j'attends pas Facebook pour exprimer mes idées. Au quotidien je milite, personne peut m'arrêter. C'est le retour de l'insoumis. Le retour de l'insoumis. Je viens réveiller les endormis. Réveiller les endormis.